Bienvenue à cette conférence de Daniel Kahn. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Charles Villeneuve, homme d'affaires, auteur. Je suis François Martel, homme d'affaires, éducateur physique. Bonsoir, je suis Michel Lasseff, policier et homme d'affaires. Le thème de la conférence, c'est la conscience planétaire. J'ai pensé, pendant la pause, que la conscience planétaire était une conscience qui était autour du globe. Qui était vraiment terrestre, humaine, donc qui n'était pas une conscience extraterrestre. Est-ce que c'est bien le thème ou est-ce qu'une conscience planétaire a une source extraterrestre? Bon, pour parler de conscience planétaire, on doit redéfinir un peu le terme conscience. Si on considère la définition du départ capable d'observation, c'est évident qu'à un moment donné, quand il y a une expansion de conscience, l'individu est capable, par imprégnation d'intelligence, d'avoir accès à l'information événementielle qui est un peu plus tendue autour de lui. Donc, il sait ce qui se passe dans la rue présentement, il sait ce qui se passe dans la ville, il sait ce qui se passe dans la province, il sait ce qui se passe dans le pays, il sait ce qui se passe sur le continent, il sait ce qui se passe sur la planète. Une conscience planétaire est capable de localiser tous les papillons en même temps partout sur la planète. Qu'est-ce que ça donne de savoir où sont tous les papillons? Si c'est un chasseur de papillons, ça a certains avantages. C'est pas un chasseur de papillons. Ben, localise d'autres choses. Mais si c'est pas un chasseur de papillons, est-ce que tu as quand même la conscience de la présence de papillons? Non. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu as la conscience de ce que tu as besoin d'avoir? Ou est-ce que tu as la conscience globale? L'intelligence amène, dans la conscience de l'homme, de la femme ou de l'enfant, tout ce que l'être a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. Donc, moi, je ne me promène pas avec la conscience des papillons. Quand je me promène, je n'ai pas la conscience de la localisation de tous les papillons dans ma tête. Bon. Mais tu as accès. J'ai accès seulement si j'aurais besoin de connaître la position de tous les papillons. Bon. Au niveau de l'ego, l'humain fonctionne avec de la mémoire. Donc, fonctionnant avec de la mémoire, l'humain doit apprendre. Et pour apprendre, pour se sentir sécurisé, l'humain doit être capable de se rappeler n'importe quand, même quand il n'en a pas besoin, ce qu'il veut se rappeler. Sécurise. Mais au niveau de la conscience et du savoir instantané, on ne peut pas savoir ce qu'on n'a pas besoin de savoir pour se sécuriser. Et ce qui fait en sorte que lentement, l'humain qui devient conscient, l'ego va vivre à travers la conscientisation de l'insécurité. Perte de mémoire, perte de stabilité mémorielle, des choses comme ça. Mais il y a un minimum qu'il faut que tu saches, que tu aies appris. Il y a un minimum de mémoire qu'il faut que tu saches. Non, premièrement, on ne sait pas de la mémoire. On s'en rappelle. Bon. Mais il n'y a pas un minimum, ce n'est pas nécessaire. C'est évident que tant que l'être humain est un être transitif, il lui faut de l'information, donc du bagage mémoriel. Et l'information la plus essentielle, c'est une langue. Une langue pour parler, pas une langue, un objet. Mais c'est la capacité d'avoir de l'expression. Parce que la parole ajuste la pensée. Si l'homme, la femme ou l'enfant parle d'une façon fausse, ou avec des anglicismes, ou des allemandicismes, ou des espagnolicismes, ou avec d'autres mots, l'humain déstabilise son ajusteur de pensée. Donc l'humain déstabilise ce qui, chez lui, va rendre égoïsable la conscience. Autrement dit, l'humain va déstabiliser ou mettre un frein ou ralentir le flot de l'énergie qui va être capable de reprogrammer ses structures planétaires pour faire de lui un être nouveau. Quand l'humain est totalement imprégné de sa conscience, il ne se rappelle même pas où il reste. Mais quand il faut qu'il rentre chez lui, il sait où il reste. Est-ce que ce qu'on sait quand on n'en a pas besoin, on peut par définition dire que c'est autre chose que de la conscience? La mémoire, elle peut être propre à tes propres structures chimiques, comme elle peut être carrément une mémoire akashique, c'est une mémoire planétaire. Quand on parle de conscience planétaire, on peut faire référence à l'étymologie ésotérique conscience planétaire, qui veut dire anal akashique, qui veut dire mémoire événementielle non colorée par l'émotivité à l'échelle de la planète. Autrement dit, qui veut dire mémoire du temps. Ça permet à une personne qui fait un voyage astral totalement pur d'aller voyager dans une espèce de cinéma tridimensionnel et il peut avoir accès à de l'information non colorée. Autrement dit, la personne fait un voyage astral, une extra-conscientisation astrale d'une façon totalement lucide et elle revoit, par exemple, le meurtre de quelqu'un. Alors que la majorité des voyants ou des médiums, lorsqu'ils vont faire leur voyage astral, assis sur leur chaise avec leur boule de cristal ou simplement couché dans un lit, ils vont avoir accès à de l'astral coloré. Et ils vont voir le meurtre, mais ils peuvent voir un meurtre avec trois meurtriers. Ils peuvent voir ce que les gens pensent qui s'est passé. Donc, ils vont penser que c'est la réalité. Ils vont voir un meurtre coloré. Et ça fait partie du voyage astral traditionnel. Et si c'est encore plus coloré, ça fera partie du rêve. Même plus le voyage astral. C'est un rêve. La conscience planétaire peut donc être définie du point de vue de l'ésotérisme traditionnel comme étant la mémoire événementielle, donc la mémoire des événements, qui ont eu cours à l'échelle de l'historique planétaire. Et si on peut parler de conscience dans ce genre-là, c'est la conscience de l'ego, c'est-à-dire que l'humain a subitement l'impression, lorsqu'il est en contact avec cette mémoire-là, d'avoir une conscience plus vaste, parce qu'il a accès à plus d'informations. Mais la vraie conscience planétaire, c'est lorsque l'humain est capable d'expandre son champ d'énergie vitale, sa conscience propre, à l'échelle de la planète. Donc, il est capable d'avoir une vision dans sa psychologie, c'est-à-dire qu'il va ajuster sa psychologie à une expression de, on pourrait parler cosmogonique ou planétogonique, philosophique, qui inclut l'ensemble de la planète. Autrement dit, subitement allumé dans sa conscience, ne pense pas que c'est un citoyen canadien. C'est un citoyen planétaire. Les décisions politiques, sociales, économiques, actuellement, ils reflètent ça aussi, que la conscience est plus grande, les pays sont de plus en plus près, et moi, ils ne sont pas rapprochés physiquement, mais on se fait pointer du doigt, par exemple, si le gouvernement canadien prend une décision qui va affecter négativement Haïti ou un autre pays, on est forcé d'aller vers une conscience planétaire. Oui, sauf qu'on défend, avec toutes les forces astrales possibles, les forces d'involution, on défend au maximum la conscience nombritique, la conscience limitée au pays, la conscience du nombril. Parce que quand on a une conscience planétaire, on ne peut pas, premièrement, être raciste, dans le sens où on se croit supérieur à d'autres peuples. C'est ce qui habite le corps qui est l'humain, pas le corps. C'est évident qu'il y a des habitants de corps qui n'ont pas de conscience, mais on ne peut pas cracher sur eux. Tu ne peux pas être raciste, donc tu ne peux pas penser que ta race est supérieure aux autres races. Tu peux savoir que toi, tu es supérieur à d'autres humains, et tu n'en fais pas un plat. Tu vas te servir des humains comme ils peuvent être utilisables, et eux vont se servir de toi comme tu peux être utilisable, ça fait un échange d'énergie qui est correct. C'est quoi, là, être supérieur? Être supérieur du point de vue de l'ego, c'est simplement comme Adolf Hitler voulait faire. Celui qui sait qu'il est supérieur, là, c'est pas d'une façon égoïque? Ben non, pas s'il est conscient. Mais c'est quoi être supérieur égoïquement? Être supérieur égoïquement, c'est comme moi, c'est quoi répondre à ces questions? Être pogné avec sa supériorité, c'est déjà une réponse, donnez-moi une question. Supérieur est un terme très dangereux parce qu'il est toujours récupéré par l'émotivité, par l'astralité des individus. Le menuisier est supérieur à toi quand tu as besoin d'un menuisier. La personne qui fait appel au service de police est inférieure au service de police parce qu'il fait appel au service d'un policier. Si tu me poses une question, je suis supérieur à toi, dans le sens répondre à des questions. Mais les supériorités, c'est totalement relatif et en même temps, c'est très limité dans le temps. Je ne suis pas supérieur à personne. Dans l'absolu, on est égaux. On est tous au maximum de ce qu'on peut être, ou au minimum, on est tous. Vous êtes philosophe. Hein? On ne peut pas être plus que qu'est-ce qu'on est. À cause de notre génétique. Non, il n'y a pas à cause. À cause, comme c'est à comme cause. Ça. Est-ce que ce qu'on voit présentement, il y a un mouvement qui appelle, disons que populairement on appelle conscience planétaire, qui voit ce qu'on parle d'écologie, on va parler de sauvegarder la planète, on parle d'environnement. Ça peut-tu amener les gens qui n'ont pas d'intelligence à avoir un début d'intelligence? Non, ça c'est une conscience de grand nombre. Les gens là ne pensent pas subitement à l'écologie de l'Amazonie. Ils veulent se mêler des affaires des Amazoniens, des Brésiliens. Là, les Américains et les Français, ils ne pensent pas subitement qu'il faut sauver le Grand Nord québécois. Ils décident simplement que leur pouvoir, ils n'en ont pas assez de pouvoir sur la planète, là, ils sont... Parce que les écologistes aux États-Unis, on le crache dessus. Alors, ils vont chercher le pouvoir ailleurs. Ils viennent le prendre au Québec, ils vont le prendre au Brésil. Ils vont dire aux pays développés, écoutez, nous, quand on était pauvres, on a pollué au maximum, on est devenus riches. Vous êtes pauvres, bien, restez pauvres, parce qu'on ne veut pas vous polluer plus. Bon, c'est ce qu'on fait. Ouais. Alors ça, c'est pas de la conscience planétaire, c'est de la conscience grande, c'est de la conscience de fouineur. Et ça ne rendra pas les humains, ça va les rendre intelligents, en ce sens que ça va finir par engendrer des guerres. Puis la guerre, c'est de la frustration, puis la frustration émancipe de la conscience. On est loin d'arriver avec la conscientisation, avec ce qui se passe, donc la conscience planétaire qu'on rencontre maintenant, c'est pas de la conscience planétaire. On ne peut pas forcer l'humain à être conscient, on ne peut pas le massacrer, le brûler, lui botter les fesses, on ne peut pas le rééduquer dans des écoles de rééducation, comme on en a vu un peu partout, dans les milieux communistes, socialistes. On ne peut pas. On peut juste l'écœurer, puis là, il va se passer. On peut le manipuler, par exemple. Si tu l'écœures, tu vivras pas. Laisse le faire, c'est comme ça. L'homme ne sait pas ce qu'il fait, mais il le fait bien. Ah, c'est si bien pour m'en mêler. Mais il y a une autre forme de il peut avoir une autre chose qui motive l'humain, par exemple, à s'occuper de l'écologie dans d'autres pays, ou ce que c'est pollué pour n'importe quelle raison, par exemple, oui, mais ou ailleurs. Dans mon cas, un exemple, ça pourrait être parce que je voudrais un jour aller dans ce pays-là pour que ce soit beau. Ben, non, mais c'est pas la même raison, c'est une autre raison. Envisagez-vous un voyage en Égypte? Faites non, mais par exemple, je dirais qu'au Québec, que l'écologie, la planète a de l'allure. Le reste du monde, c'est tout le cafouillis. Bon, là, présentement, c'est que tu exprimes de l'intelligence, pas de la conscience planétaire, mais de l'intelligence qui engendre chez son ego une frustration face à l'absurdité. T'as raison dans ce que tu dis. Parce que je le ferais pour moi. Ceux qui feraient ça, ils le feraient pour leur confort. Tout le monde le fait pour soi. Vous devez vivre pour vous. C'est assez de vivre pour les autres. Ils ne savent pas pour eux ce qu'ils ont besoin, qu'on fait tout pour leur donner. Imaginez qu'on en prend tout le temps. On doit vivre pour soi. Tout le monde agit pour lui. Celui qui fait du bénévolat, il le fait parce que ça lui rapporte. Tout le monde agit pour soi. Ça, c'est correct. Mais ce qu'il faut, le poumon de la planète, c'est où? C'est l'Amazonie. C'est l'Amazonie. Le poumon de la planète, c'est l'océan. Les phytoplanctons qui sont dans l'océan, qui sont des algues vertes, donc chlorophylliennes, vont créer beaucoup plus d'oxygène et fixent beaucoup plus de gaz carbonique que 4, 5, 10, 15 Amazonies. Pourquoi on a décidé que l'Amazonie, c'est le poumon de la planète? Bien parce qu'on commençait à couper dedans, il fallait bien qu'on trouve une raison de les arrêter. Le Nord québécois, là, c'est blaire, ça. On va trouver des stratégies pour dire que ça a plus de maudit bon sens, parce qu'il y a un Inuit sur un territoire de quelques millions de kilomètres, vous. Bon, il faut s'en refaire. Mais, pas de la conscience planétaire. Mais le fait que les autres pays se mêlent l'un de l'autre des problèmes environnementaux va amener une certaine forme de développement de la conscience ou de l'intelligence. Parce que si on regarde ce qui se passe actuellement avec les pâtes et papiers au Québec, c'est-à-dire que le bois d'œuf, par exemple, aux États-Unis, ils refusent d'importer du bois canadien ou de provenance québécoise parce qu'ils disent qu'on les subventionne indirectement, tout ça. Mais la conséquence de ça, c'est qu'un jour, on va inventer du papier sans arbre, on va inventer du papier synthétique. Mais c'est des résidus très secondaires. Ça n'a rien à voir avec la conscience planétaire. Mais est-ce que l'intelligence n'utilise pas ça, des moyens politiques, sociaux comme ça, pour faire en sorte que quelqu'un le développe ou l'invente? Je vais t'en parler d'intelligence. C'est la conscience planétaire. La conscience se développe s'il y a frustration. Ça ouvre les portes à l'intelligence qui engendre la conscience. Alors, à un moment donné, il y a des personnages extrêmement huppés que les gens appellent les maîtres du monde qui ont su ça. Les maîtres du monde, c'est des individus qui sont arrivés au phénomène supramental, qui ont créé une expansion de conscience dans leur corps physique, mais qui avaient trop d'ego et une génétique trop faible pour être capable de transmuer l'intelligence en corps matériel pour engendrer une fusion avec leur groupe éthérique pour pouvoir s'échapper. Bon, bref, ça a devenu des grands maîtres. Pourquoi les grands maîtres, pas parce qu'ils mesuraient 6 pieds 8, mais c'est parce que nous autres, on se voit toujours petits. Fait que quand on les a vus, on pensait qu'ils étaient grands. Et ces maîtres-là savent très bien que pour parvenir à briser le carcan karmique qui les retient, l'humanité doit évoluer jusqu'à la conscientisation, se conscientiser jusqu'à un certain niveau, pour engendrer une mécanique de conscience planétaire énergétique qui va être suffisamment puissante pour briser leur karma. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que ces maîtres-là ont su, et par l'intermédiaire du hasard, ils ont engendré différentes mécaniques, pour obliger, à un moment donné, l'instauration de différentes mécaniques comme l'ordre rosicrucien, comme les francs-maçons, comme le prieuré de Sion, comme d'autres mécaniques genre. Et eux vont finir par se dire, si on est capable d'accélérer, écoutez bien ce que je dis là, à un moment donné, ça va permettre d'éviter des petites choses. Si on est capable d'accélérer la frustration chez l'humain, on va nécessairement accélérer le processus de l'expansion de l'intelligence dans l'humain, donc de l'émancipation de la conscience. Autrement dit, si on peut accélérer la frustration dans l'ego de l'homme, on va accélérer la venue de l'ère nouvelle, de l'âge d'or du millénium, des 13 800 ans de descente de l'intelligence. Alors, pour cela, ils se sont arrangés pour assassiner le duc d'Autriche. Ils se sont organisés, à un moment donné, ça a engendré le premier conflit mondial. Ils se sont organisés, à un moment donné aussi, pour forcer la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils se sont dit que si on peut amener le plus vite, le plus de mal possible sur la Terre, ben lui-même va finir par se réveiller. Ça rejoint un peu ce que tu dis là. En se mêlant de ci, de ça, on devrait normalement finir par soit leur casser la gueule, ou soit s'émanciper différemment, puis technologiser un peu plus notre démarche. Bon. Maintenant, ce qui arrive, c'est que sur la majorité de la planète, la conscience planétaire, qui est une conscience supramentale, n'est pas encore absorbée. Bon, on va revenir un peu. Présentement, je parle de l'intervention de l'intelligence à travers l'illusion de la conscience planétaire chez l'humain. Maintenant, ce qui arrive, c'est que pour continuer à émanciper la conscience, les stratégies de l'intelligence sont de deux ordres. Premièrement, descendre à travers les individus capables de supporter l'intelligence, donc des êtres élitiques, On parle de 144 853 élus, mais le mot élu vient de la même racine qu'élite, et ça vient d'élection. On élit normalement les meilleurs. Maintenant, quand on parle d'élite, on ne parle pas de celui qui, dans son ego, se vante d'être l'élite. Ça peut être l'individu qui, à un moment donné, a la structure biologique pour supporter de l'intelligence. Mais il n'est pas nécessairement intelligent, conscient encore aujourd'hui. Donc l'élite, là, c'est pas celui qui pense qu'il est l'élite. Puis en passant, 144 853, c'est le premier transport. On va en avoir d'autres après. Mais là, ce qui est important de comprendre, c'est que l'intelligence vient du plan planétaire, va se diviser en deux. Du point de vue de la gestion planétaire. La première chose, c'est de réveiller les corps physiques. Et la majorité des enfants sur la planète sont réveillables à l'intelligence. Et c'est pourquoi les structures traditionnalistes d'éducation et de religion vont tout faire pour les engourdir. Ça fait partie des processus qui ont permis à l'humain de s'émanciper jusqu'à aujourd'hui, mais alors qu'à l'époque de l'évolution, ces processus-là étaient iambiques, à l'époque de la conscientisation, la majorité des processus deviennent sataniques. C'est-à-dire que le feu, c'est intéressant, par exemple, vous augmentez le chauffage chez vous parce que vous gelez, mais à un moment donné, il faut qu'il cesse de chauffer, pour qu'il vous tienne une température, il ne faut pas qu'il continue, qu'il continue. Alors, le temps qu'il vous réchauffe, c'est iambique. Rendu à 80, c'est trop pire. À 90, 100, 110, 120, comment c'est satanique? C'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est ça. C'est l'enfer du décor. Bon. Et ce qui est important, donc, c'est que l'intelligence descend à travers les génétiques sont capables de supporter le neuf. Pas de comprendre Daniel Kem. De comprendre Daniel Kem, mais de comprendre d'autres, de comprendre d'autres personnages qui amènent de l'intelligence. Donc, de supporter le neuf. Et d'être capable de voir la valeur réelle des mécaniques du passé, donc des traditions, de se servir de l'énergie conservée dans la valeur réelle pour être capable d'engendrer des néotypes, pour faire concurrence aux archétypes, pour être capable donc de néotyper, pour être capable d'utopiser plutôt que d'espoiriser, parce que l'espoir fait partie de la vision de celui qui ne sait pas, alors que l'utopisation fait partie de la vision éclairée de celui qui sait. Et progressivement, l'intelligence va donc réveiller suffisamment de l'être humain à de la conscience, et la conscience, c'est pas suivre un chemin, c'est d'être soi. On n'a plus besoin de suivre de chemin parce qu'on est rendu. On est rendu où? On n'est pas rendu, on n'a pas abouti. On est la démarche. Donc, chaque individu va finir par être son seul maître, donc tu ne suis plus. On est rendu dans sa propre maison. Cette démarche-là va faire en sorte que les individus vont émanciper suffisamment leur conscience pour engendrer un endométérique, c'est-à-dire pour se garantir une immortalité au niveau de la conscience. Et ça, tu le sens pas comme ça, mais à un moment donné, tu finis par de moins en moins avoir peur de la mort, pas parce que tu es jeune. Tu finis par comprendre de plus en plus les processus de gestion de la mort. Tu finis par... C'est des choses qui vont se passer. Et là, ce qui va arriver à un moment donné, c'est que l'individu qui va vivre ça dans ce qu'il est lui, si à un moment donné, la planète Terre vivrait des problèmes assez problématiques, ces personnages-là auront la possibilité de ne pas vivre l'apocalypse des autres. Pour revenir. Le deuxième vecteur d'expression d'intelligence à travers la conscience planétaire, c'est de forcer l'individu à vivre la désillusion totale. Et pour vivre la désillusion totale, l'individu devra vivre l'expansion de son ego qui va l'amener à développer une croyance phénoménale en Dieu, en Daniel Kemp, en l'intelligence supramentale, en Allah, Manitou, Bouddha, Jéhovah, Moroni, en n'importe quoi, ou développer une confiance absolue dans la science. Autrement dit, l'intelligence va forcer des individus qui ont besoin, eux, d'être stabilisés pour pouvoir vivre, elle va forcer la stabilisation complète et totale. C'est l'intelligence qui est descendue dans les grands maîtres et puis qui accélère le processus de conscientisation. Alors on va leur amener par exemple un être qui va réincarner les mémoires de Jésus, mais pas Jésus, les mémoires de Bouddha, mais pas Bouddha, les mémoires d'Allah, mais pas Allah, et Symétria. On va amener un bonhomme qui va réincarner les mémoires de ces personnages-là et qui subitement va être capable de stabiliser des égos de différentes ethnies religieuses. On va amener de la science. On va amener la réincarnation de Mahomet. Alors là, une partie de l'empire musulman qui va se stabiliser. Et on va amener des choses comme ça. En stabilisant tout le monde dans la croyance, ça fait quoi? Ça fait que tout le monde, au nom de sa croyance, veut convertir autrui. Parce que la problématique de la croyance, c'est que même si on est stabilisé, on n'est jamais sûr. Alors pour se sécuriser, on doit convaincre autrui. Et ça, ça fait partie des processus même des fois primaires. C'est porter la bonne nouvelle, convertir. Parce que ça t'énergise. Alors nécessairement, ça va engendrer des guerres absolument extraordinaires. Et ça va faire en sorte que l'humain va subitement, après avoir détruit suffisamment de choses, l'humain va finir par se rendre compte que les dieux l'ont trompé ou l'ont abandonné, que la science a trompé ou l'a abandonné. Puis ceux qui ne comprennent pas Daniel Kemp, mais qui croient Daniel Kemp, vont découvrir que Daniel Kemp les a trompés et les a abandonnés, vont découvrir que tel maître les a trompés et les a abandonnés, etc. Et là, ce qui va arriver dans 10, disons, on va dire 10 ans, pour être optimiste, ce qui va arriver dans 10 ans d'ici, c'est qu'il va y avoir suffisamment d'effritement des structures conventionnelles et traditionnelles que l'humain va vivre une désillusion totale en face du mensonge cosmique, donc en face de l'illusion. Mais ça, évidemment, ça va faire comme tout à l'heure on parlait, c'est qu'il va, pour cela, devoir se créer un paquet de problèmes. Et c'est ce qui se crée. On s'attend à ce qu'à un moment donné, l'Empire musulman, avec l'alliance de l'URSS, un jour engendre une troisième guerre mondiale. Et on s'attend à ce qu'à un moment donné, la Russie, donc l'Empire est détruit, en alliance avec les États-Unis d'Amérique, mette fin à cela dans les années 2023. Bon, on s'attend. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, parce que l'avenir est toujours en mouvement. On s'attend. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence se sert donc de deux vecteurs présentement. Un où elle s'occupe de des masses qui n'ont pas encore suffisamment vécu de désillusions. On prend un exemple de ce que ça peut être. Il y a des populations qui crèvent de faim depuis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 800 ans. Et ils ont toujours eu des gouvernements tyranniques. Alors quand ils crèvent de faim, les populations riches se sentent coupables pour vivre psychologiquement mieux, leur envoient des vivres. Les gouvernements ramassent les vivres, s'engraissent comme il faut pour en donner tout au peuple. Qu'est-ce qu'on fait quand le peuple en a ras-le-bol, il est écœuré, il ferait une guerre civile, ben là on vient lui donner juste ce qu'il faut pour qu'il n'en fasse pas. Alors ça crée la stabilité. Et le peuple restera un peuple affamé tout le temps. Mais actuellement, là, par l'économie globale, internationale, il y en a une instabilité qui est en train de se déclencher et qui risque d'être aussi forte que les religions. Parce que les pays ne sont plus en mesure de s'aider financièrement, ils sont tous mal à manger. Qu'est-ce qui arrive quand la matière te lâche? Ben, tu lâches la matière te lâche, tu lâches la spiritualité, tu lâches tout pour te remettre dans la matière. Quand la matière te lâche, tu tournes vers la spiritualité. Chaque fois que l'humain a tout perdu, là, quand ça va mal, c'est là que l'humain se retourne vers ses dieux. C'est la seule chose qui reste. C'est la seule chose qui reste. Et quand Dieu te lâche, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes vers toi. Tu tournes en matière. Tu tournes pas vers toi. Dans la matière. Mais la chose est arrivée. Mais si les deux te lâchent, là, tu vas retourner vers toi, puis tu vas être déçu. Non, mais tu vas retourner vers toi, tu vas avoir l'impression de tomber. Comme j'ai déjà dit, elle est tombée. Elle est tombée dans un groupe qui n'a pas de fond. Alors, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de fond. C'est exactement ça. Le humain, là, il est tout perdu, puis il est tout perdu, puis il est tout perdu, puis il n'y a pas de danger, il n'y a pas de fond. Alors, tu ne casseras jamais la marboulette, ça va bien. C'est les crises économiques, c'est les problèmes économiques qui risquent d'emmener ce que tu dis, se retourner vers un maître spirituel, puis là, le déclenchement des guerres. Mais là, il y a de quoi je comprends pas. Disons, Maitreya est là, et puis tu dis que ça va provoquer les guerres, mais si, parce que les guerres, présentement, sont toujours suscitées par les conflits religieux, mais si tout le monde s'identifie à une même personne, puis reconnaissent leur Dieu là-dedans, pourquoi ils se battraient? On fait confiance à l'astral, fait confiance au grand maître, fait confiance à l'intelligence par l'astral. Ceux qui ne sont pas capables de se stabiliser avec l'Église catholique vont peut-être se stabiliser avec Maitreya. Ceux qui ne sont pas capables de se stabiliser avec les forces jéhoviques ou les forces yaviques vont peut-être se stabiliser avec Maitreya. Ceux qui ne sont pas capables de vivre l'Empire musulman comme il veut être instauré, réincarnation du passé en cycle aujourd'hui, peuvent être stabilisés par Maitreya. Mais la problématique, c'est que les stabilisés par Maitreya vont vouloir que les autres rentrent aussi stabilisés par Maitreya. Et ceux qui sont stabilisés par Allah ou par Jéhovah ou par Dieu ou par mon père, des divinités différentes, vont aussi vouloir que ceux qui sont dans la Maitreya soient dans la fausse voie. Parce que l'humain est un être bon, mais il veut faire le bien, mais souvent il le fait mal. C'est un être bon, parce que si un jour les musulmans viennent chez toi et tuent ta famille au complet, c'est pour te convertir, c'est parce qu'ils veulent te sauver. On va recommencer les croisades, mais avec les armes nucléaires et les jets. Les chrétiens ont fait la même chose, parce qu'on veut sauver. On veut que mais c'est la même chose, c'est la même chose en que... En réalité, on veut simplement garantir notre croyance. Tout le monde croit comme nous. Mais c'est la même chose que pour une personne qui... Sa religion, par exemple, c'est l'écologie. Mais il a décidé qu'en Afrique, n'importe où, il fallait que ce soit écologique. Ah, il va faire la guerre, il va tout rendre au complet, puis planter des fleurs. Mais non, manipule au maximum le peuple afin d'en arriver à ce que lui a décidé. Ou quand vous pensez qu'on est rendu à affamer les populations du tiers-monde uniquement parce qu'on considère qu'ils polluent? C'est des croisades. C'est encore la même maudite affaire. C'est évident, c'est encore des croisades, puis les gens vont partir croiser, puis les gens vont venir croiser. Bon, ben, la conscience, est-ce qu'elle ne peut pas arriver à un moment donné à court-circuiter tout ça, là? Puis, pas l'intelligence manipulée, là, que moi j'appelle par les grands maîtres, là, puis forcer des. Non, mais est-ce que la conscience ne peut pas arriver? Est-ce qu'un miracle est possible? Là, c'est de l'espoir. Non, c'est pas de l'espoir, c'est une question. Ça fait partie de l'espoir du nouvel âge. Et ça, c'est le plus grand danger. Est-ce que c'est possible? Tout est possible. Mais tout est possible. Ben, est-ce que c'est ça qui va arriver? Ça, ça sert à rien, je réponds à ta question, parce que ça va juste placer ton ego d'un sens ou d'un autre. Bon. L'idée n'est pas de savoir si c'est ça qui va arriver, ben moi, j'ai rien à attendre. Mais non, c'est ça qui est l'idée. Est-ce que, effectivement, l'intelligence peut arriver à un moment donné et rendre intelligent tout le monde? Ça peut. Mais moi, dis franchement, les histoires que j'ai lues parlent plutôt qu'il y a eu des guerres. Ah, mais ça, c'est des archétypes. Ouais, mais c'est enfin, c'est des livres d'histoire. Je sais que les historiens de l'époque, c'est pas fort, c'est encore bouleversé par la dernière guerre mondiale, par la troisième. Sauf que, faut faire attention, c'est qu'on doit bien comprendre que l'intelligence, quand elle descend au niveau d'une personne qui n'a pas de conscience, elle est à son niveau. Je l'ai dit souvent, quand l'intelligence descend au niveau du chien, elle jappe. Et ça, il faut qu'on comprenne bien l'idée. C'est facile de dire à quelqu'un, ben écoute, réveille-toi un peu. Il est réveillé. Il est réveillé au maximum de ce qui peut être réveillé. Tout à l'heure, quelqu'un dit ça. On est au maximum de ce qu'on peut être. Bon. L'intelligence, elle descend au niveau d'un individu, puis qu'est-ce qui arrive, c'est qu'elle va nourrir la foi de l'individu. Il faut absolument que l'être humain finisse par briser les illusions. Mais la conscience planétaire, c'est votre conscience qui, à un moment donné, va s'expandre à un point tel que vous ne vous contenterez plus de souffrir du Kleenex que le voisin vient de jeter. Mais vous allez aussi, comme tu peux le faire, souffrir du Kleenex que l'Éthiopien vient de jeter. Ça, c'est le plaisir d'être conscient planétaire. La conscience planétaire d'un individu, c'est-à-dire que lui, il a la possibilité, il a le potentiel de tout savoir ce qui se passe là, partout, là, n'importe quoi. Papillon qui vole là-bas, l'autre qui vient de mourir, n'importe quoi, tout ce qui existe. Là, est-ce que la conscience planétaire aussi, est-ce que c'est quelque chose qui est une vapeur finalement qui s'introduit dans tous les humains qui existent? Oui, c'est ça. Mais de plusieurs façons, c'est ça, sauf que tu as. Quand on parle de conscience planétaire, on parle donc d'une conscience qui est extra-humaine. C'est-à-dire que ça peut être ta conscience qui s'expande, ça va, c'est notre conscience à nous qui devient à l'échelle planétaire. À un moment donné, elle sera totalement au niveau du système solaire, finalement galactique, finalement universel, super universel, créationnel. Ben, chercher dans son temps. Par exemple, les individus qui se réunissent tout le monde un soir à 20h30, à 20h45, on médite, qu'on pense, on aura des pensées de paix. Ça va empêcher la planète de faire la guerre. Ça a l'air épais, en maudit. Sauf que ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'il y a subitement, disons, 10 000, 20 000, 30 000 personnes qui vont énergiser leur structure astrale, leur ego, donc leur psychologie, à la paix. Et ces êtres-là respirent. Et parce que ces êtres-là respirent, ils vont inspirer de l'oxygène, un peu de gaz carbonique et d'autres choses, et à un moment donné, ils vont expirer du gaz carbonique et un peu d'oxygène. L'oxygène, en tant que structure atomique et de gaz carbonique, selon sa forme atomique, et c'est pourquoi, dans une pièce, on fait aérer quand il y a une chicane, cette atmosphère n'est pas bonne. C'est pourquoi les gens vont voir des maîtres dans certains pays, au Tibet par exemple, pour juste être baignés dans leur atmosphère. Le maître dit rien, on respire son air. Et ce qui arrive, c'est que ces personnes-là respirant vont donc rejeter des molécules d'oxygène et de carbone polarisées dans l'atmosphère. Et à un moment donné, il y a d'autres personnes qui vont respirer ces molécules-là. Et c'est en respirant ça, ça vient influencer un peu. C'est exactement comme si tu prends un grain de sable, tu l'anges dans le désert, ben, il y a plus de sable dans le désert. Mais si on y va à ce rythme-là, ça va vraiment prendre un miracle que ça se place. C'est ça. On serait pas mieux plutôt d'aller. Arriver avec un camion de sable au complet, et ça, c'est légal. Bon, mais ben c'est ça, ben on est mieux d'en faire d'abord. Non. Ouais, comme les grands maîtres du monde, là, s'ils veulent accélérer, si tu empêches la méditation, si tu t'enlèves les barrières tarifaires, les douanes tarifaires dans tes pays, puis tu laisses un libre marché total. Bon, mais il faudrait qu'on le fasse. Bon, un vrai bordel, là, ça dure pas longtemps. Ce qui est intéressant, c'est que tu dis, bon, lui, ce qu'il dit, c'est que la guerre, d'abord, il faudrait qu'on la fasse, la guerre. Ça va accélérer les processus, comme les grands maîtres, c'est vrai. Mais les grands maîtres étaient sa concurrence. Un. Deux. Il doit obligatoirement y avoir, dans la structure de la conscience astrale planétaire, des mémoires quelque part, qui ont été créées par des individus qui ont été capables de recevoir de l'intelligence, de vivre de l'intelligence, donc de s'enrichir par l'intelligence, d'être transcendé par l'intelligence, d'être capable d'avoir du plaisir, malgré qu'ils étaient intelligents, Il doit y avoir des individus capables d'exprimer de la conscience, capables d'utopiser, donc de descendre des mémoires d'un avenir possible, convenable, parce que quand les individus planétaires vont, s'ils le font, se tapent dessus pas mal, mais à un moment donné, quand il va rester plus rien, les êtres humains sont encore égoïques. Et là, il faudra que descendre de quelque part quelque chose qui va venir leur amener un peu de morale. Et le moral qui va leur être amené simplement, ça va être le soleil qui se lève en avant, ils vont être capables de se dire, en tout cas, finalement, on n'a au moins pas détruit le soleil. La conscience va commencer à les habiter. Mais ça, ça veut dire qu'on va avoir des traces d'intelligence, des traces de quelque chose d'intelligent. Oui. Ça va indiquer après ça vers quoi? Indiquer l'intelligence spirituelle sont dangereux. Mais ça, c'est des traces dans l'astral. C'est des traces dans l'astral et c'est ce qui va engendrer la conscience planétaire. Autrement dit, chaque fois qu'un être humain fait quelque chose d'intelligent, donc c'est toujours esthétique, quand un être humain fait quelque chose d'intelligent consciemment, ben, il oblige nécessairement à plus ou moins long terme, d'une façon très, très atténuée, d'autres êtres humains à découvrir, donc à se conscientiser à un moment donné à sa démarche. Pas à faire comme lui. C'est ça qui est la différence. Chaque fois qu'un être humain conscient fait attention à son cadre écologique, il force par la force des choses d'autres individus ailleurs mais qui vont respirer sur l'atmosphère. Ça prend à peu près 12 ans avant que la bouffée d'air que vous allez sortir dans 30 secondes ait été diluée à l'échelle de la planète. C'est bien évident que le gars qui va respirer, qui va ramasser un atome qui a été respiré à un moment donné, qui a passé dans un des poumons, bien, bien, c'est quoi? En tout cas, parce qu'on respire, vous savez qu'on respire tous présentement la laine de Napoléon, de Gengis Khan, de Kublai Khan, de Jules César, du premier Salopitaire. Parce que la quantité d'atomes reste la même, hein? Bon, ils ont respiré notre air, eux autres. Et c'est d'ailleurs pourquoi on est si réincarnationnel 24 heures sur 24, puis si collectif. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que quand un humain fait ça, veut pas, il pilonne progressivement le monde astral. Donc, il oblige à l'augmentation des vecteurs psychologiques qui vont engendrer, à un moment donné, l'émancipation de la conscience, lorsqu'il y aura un terrain propice à l'apparition de la conscience, donc lorsque l'humain sera écœuré d'être écœuré. Mais en même temps que tu as tout ce monde-là qui médite le bien, le beau, le parfait, tu as ceux qui violent les enfants, tu as ceux qui vendent la drogue, tu as ceux qui battent leurs femmes, tout ça aussi, ça en amène à ceux qui battent leur mari. Dans mon cas, c'est plutôt ça. T'en as de la stress sur le marché, fait que... Mais t'as les deux, tu sais, t'en as pas juste un. C'est vrai que la plus grande cause du divorce, c'est le mariage. Ah, j'y ai pensé. Je voudrais arrêter ça. Effectivement. T'as les deux qui... Bon, mais si les deux se développent quand tu vas arriver à la fin de la guerre ou de l'apocalypse ou n'importe quoi, est-ce que l'autre va être détruit? Ce qui arrive présentement, c'est que chaque fois que l'être humain se conscientise, il rejette, il se purifie, il rejette des parties d'ego, des parties d'ancien, il rejette ce qu'il n'est pas. Et ce qui est rejeté est récupéré par d'autres individus. Ce qui fait que, et on l'a toujours vu dans les spiritualités, plus l'intelligence, on va dire, plus le bien augmente, plus le mal augmente. On va dire, le bien et le mal, c'est pas le bien, le mal, les polarités, ça là. Les polarités qui sont souvent émotivisées. Bon, mais quand même, plus le bien augmente, plus le mal augmente. Donc, normalement, ça crée une guerre continuelle. Et les grands philosophes du passé ont dit, oui, mais le bien gagne toujours. Ah! Pourquoi que le mal gagne toujours autant? Parce que c'est pas ça qu'on voit, par exemple, dans les journaux, puis dans l'activité quotidienne. On a toujours l'impression que celui qui est bon, qui est correct, là, je prends l'exemple d'un artiste, René Simard, c'est pas parce que... Bon, le gars, il fait rien pour ça, puis il y a deux enfants, ils sont sourds. Mais c'est les normal. Chanteurs. Pourquoi qu'on frappe nécessairement, alors que l'autre qui ferait des batailles, qui serait sous à tout bout de champ? Bon, la question de Charles est extrêmement importante, c'est que pourquoi les bons partent-ils en premier? Ou se font frapper? Pourquoi les enfants qui semblent extraordinaires sont souvent leucémiques? Atteint de certaines maladies. Pourquoi les adultes qui sont bons, qui sont convenables, qui sont corrects? Prenons juste l'exemple d'Alfred Besset. T'as connu Alfred Besset? Bon. Le frère André, bon. Prenons l'exemple du frère André. C'est un bonhomme qui est correct, qui reçoit suffisamment d'énergie du monde astral pour guérir les maladies. Qu'est-ce qui lui arrive? Il passe sa vie malade, il a des difficultés à dormir, il est rachitique, il ne digère pas, il est pogné au bout, puis il meurt. Bon. Puis en plus, même mort, il continue à guérir. Je te dis comment c'est. Bon. Pourquoi les individus qui sont apparemment convenables, corrects, sont-ils les premiers à être éliminés et agressés? C'est simple. Parce qu'ils n'ont pas de conscience. Et quand tu veux, dans un contexte prédatorial, comme l'est la planète Terre, les plantes se bouffent entre elles, on mange des plantes, on mange des animaux, on doit tuer, on se mange psychologiquement, bon, c'est prédatorial. Dieu, dans son infinie bonté, a pensé créer un système absolument parfait où si tout le monde se mange et s'entretue raisonnablement, l'harmonie va rester. C'est la terre. OK? Bon. Les insectes essentiels, il ne faut pas les tuer parce qu'ils nourrissent les poissons. Pourquoi les poissons ne nourrissent pas d'autres choses? Mais même encore, ça ne serait pas mieux. Si... Ben, qu'ils ne se nourrissent pas, qu'ils se nourrissent de plantes. C'est ça tellement mieux. C'est pas logique. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais pour quelle raison convenable? Sauf que ce qui arrive, c'est que vu comme dans un contexte prédatorial, l'individu qui commence à exprimer de la bonté. Et là, pour exprimer de la bonté sans conscience, très brièvement, le plan physique, vous connaissez ça, sinon, restez à la sortie, bon, vous demandez à quelqu'un de vous piler sous les pieds. Bon, et connaître le plan physique, savoir ce que c'est. Le plan vital, quelqu'un qui dort, quelqu'un qui est mort. Ils sont pareils tous les deux, il y en a un qui a de la vie. Le plan vital, ça l'anime. Ça permet la prolifération, la croissance. Le plan astral, le plan des valeurs, le plan de la mémoire, le plan des désirs, le plan de la psychologie. Bon, plan astral. Le plan mental, le plan des logiférateurs, quelque chose qui nous fait dire, il ne faut pas que je prenne ça. Puis en dedans, ça n'existe pas. Prenez donc pareil. Le plan astral, le plan mental qui est contrebalancé. Le plan mental. Ça, c'est planétaire. C'est engendré par l'expérience historique planétaire. Du point de vue extraplanétaire, extraterrestre, il faut comprendre qu'à un moment donné, il y a des énergies qui finissent par développer une conscience nouvelle chez l'homme. Et cette conscience-là, c'est le plan supramental. Mais il y a aussi le plan bouddhique. En réalité, c'est l'amour instantané. Le plan supramental, c'est l'intelligence instantanée. Le plan en haut, c'est l'amour instantané. Et le plan en haut, c'est le plan de l'intentionnalité que les gens appellent souvent le plan divin. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des individus, à un moment donné, qui, par leur structure, sont capables de se brancher au plan bouddhique, au plan de l'amour gratuit, mais qui ne sont pas branchés au plan d'intelligence. Mais comment peux-tu te brancher au plan supérieur si t'es pas... Plan... Parce que l'humain pense toujours que c'est une question de hiérarchie. Le plan, il n'est pas supérieur, c'est le plan que normalement on branche après. Donc, il n'est pas supérieur. Mais on l'a après. Mais si on le branche après, c'est pas parce qu'on a dû se rendre à un niveau de vibration c'est ou d'énergie. C'est plus efficace de brancher après. Mais on va continuer. Mais tu peux accidentellement te brancher avant. Accidentellement, non. Okay. T'es branché, mais il est pas. Il te branche accidentellement. C'est ça. Accidentellement. Ouais. Accidentellement pour celui qui se fait brancher. Un gars comme Gandhi, par exemple, lui, c'est... Ouais, c'est ça. Lui, il a pas Gandhi suffisamment pour avoir de la conscience. Le Mahatma veut dire grand âme. Une grande âme, ça veut dire capable d'enclover. Mais il y avait une âme pure, presque pas d'ego. Mais vu qu'il n'a presque pas d'ego, il n'a pas su développer la frustration pour engendrer l'intelligence. Vu qu'il était relié au plan bouddhique, au plan de l'amour gratuit, il venait. Qu'est-ce qu'on a fait? Fou, on l'a éliminé. Bon. Mais qui l'a éliminé? On l'a éliminé. Pas qui physiquement, mais quel plan? Le plan bouddhique, le plan supramental, le plan astral? Les grands maîtres. Parce qu'il n'y a pas d'affaire d'être connecté au plan bouddhique. Non. Mais qu'est-ce qui aurait pu amener? Qu'il y a dangereux, là? On est d'accord. C'est sûr que moi, le Mahatma Gandhi, j'aimerais ça qu'il vienne souper chez moi. C'est sûr, s'il fait un jeu, ça m'arrange pas. C'est ça. Avant qu'elle est super chez vous, il est peut-être mieux d'être en jeu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le bonhomme, qu'est-ce qu'il donne? Il donne de l'amour, il stabilise les personnes. Ça empêche l'individu de toucher la conscience. Puis lui, dans ce qu'il était, il était correct. Soyons en paix, après ça, on élaborera sur l'intelligence. Sauf que l'humain, s'il n'est pas intelligent, ne pourra pas être en paix, à moins qu'il se relie au plan bouddhique. Mais la majorité des physiques vont se relier au plan supramental avant de se relier au plan bouddhique, c'est pas le cas de Gandhi. Prenons l'exemple de M. Simon. C'est un bonhomme qui est pur, c'est un bonhomme qui a une grande âme, c'est un bonhomme qui n'a presque pas d'ego malicieux, c'est un vrai bon bonhomme. Bon. Je connais sa jeunesse, je connais son adolescence, je connais ce qu'il vit présentement, c'est un bon bonhomme. Et là, le problème, c'est qu'il n'a pas suffisamment de conscience pour être capable d'interdire et de bloquer le plan astral pour qu'on vienne le faire chier. Parce qu'il est convenable, ben son premier enfant, il s'ouvre. Rien de plus con d'un gars qui chante bien, que les enfants n'attendront jamais. Là, le deuxième enfant s'ouvre aussi. Puis c'est niaiseux. Et effectivement, là, ça va frustrer les gens qui ont... Les gens sont capables de descendre de l'intelligence, puis pas pour M. Simon, pas n'importe qui. Mais quand c'est épais, c'est niaiseux. Mais tel est le lot de la vie sur le plan planétaire, parce que l'humain évolue son intelligence dans la frustration. Si lui aurait eu accès à l'information, comme on a ce soir par exemple, bon, il aurait pu développer une conscience pour s'ajuster avec son plan d'amour gratuit, pour être capable de comprendre ce que sont les choses, et là, il aurait été capable de développer une autorité mentale dans l'astral, puis ça l'aurait bloqué, ces choses-là. Non, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui ne seraient pas arrivées? Ceux qui sont bien... Correct. Moi, j'en ai pas vu beaucoup, en tout cas, comme tantôt, tu parlais du Baptiste, il a perdu la tête, il n'y a rien que... Parce qu'il avait une grande gueule, il fallait qu'il se la ferme, puis il n'a pas compris. Ben, en connais-tu qui ont réussi à être bien, à être aimé, à aimer... Mais de toute façon, en connais-tu... Ben, je la voudrais, la réponse. Y en a-tu qui ont réussi à faire? Non, mais de toute façon, Charles, connais-tu quelqu'un ordinaire qui n'a pas de trouble? Ben, je connais bien du monde qui sont bien croches, puis on n'en a pas tout. Ah, mais eux autres, en apparence. Ils travaillent pour le bonheur. En apparence, je dis bien. Je dis pas qu'ils n'en ont pas. On va pas mentir, ils en ont plein. Continuons. Non, mais ils n'en ont pas en apparence. En apparence, c'est parce que je peux pas savoir. Je vis pas dans leur tête. Oui, faites attention, hein. Il sait. Et là, il s'interdit pas. Ah, c'est vrai. Parce que je sais qu'il y en a, mais qu'on les voit pas. Donc, on en a toutes. Fait qu'on soit bon ou pas bon, on en a avec. Oui. C'est pas qu'on est mieux de les avoir si on est bon. Parce que l'ego veut évoluer pour fuir les problèmes, et c'est ce que l'art nouvelle lui apporte. La paix, la paix, la paix, la paix. On va jouer comme le paradis. Avant, c'est les religions qui amenaient la paix à l'homme. Tu vas jouer de la harpe pour l'éternité si tu vas au ciel. C'est génial. L'art nouvelle, c'est la même chose. La paix. On va manger de la luzerne, peut-être un mi-mois de temps en temps, et puis on va refaire pas. Bon, on va ramener la caramel. On va faire quoi? Il y aura même plus de policiers. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça arrivera pas! Présentement, on ne peut pas le concevoir. Sauf que les mémoires du futur qu'on a vont pas avec le monde qui est là présentement. On ne peut pas prendre les mémoires qui nous habitent, les structures historiques qu'on a pour connaître le monde et essayer d'inventer l'autre monde, le monde de paix. Parce que la paix ne fait pas partie des processus de l'ego. La paix ne fait pas partie des processus de l'espoir. La paix fait partie des processus de l'intelligence. Il y a quand même... Quand l'humain est intelligent, l'humain vit en paix. Il y a quand même des mécaniques pour arriver à implanter la conscience ou l'intelligence ou un monde meilleur. Parce que, par exemple, bon, c'est mince. C'est quoi un monde meilleur? C'est mieux. C'est moins pire que c'est intelligent. C'est un monde que... où il n'y a pas de problème. Ben, tu vois, si on ne sait pas c'est quoi un monde meilleur, on ne l'aura jamais. Si tu ne sais pas c'est quoi, essaie donc pas de le savoir à partir de ton ego. Mais faut pas essayer de le fabriquer parce que. Mais non, c'est tout! Qui suis-je? Peut-être que. Relax. C'est un monde ou c'est un. Non, mais c'est sur ton ego. Ah, mais qui suis-je? Ça sert à quoi? Bon, c'est quoi le bonheur? C'est pas ce que tu fais, en tout cas. Parce que là, tu peux pas être heureux, tu cherches quoi? Mais c'est ça, mais c'est quoi l'air nouvelle? C'est quoi un monde nouveau? On sait ce que c'est pour. Banzai! On va y arriver! Bon, mais tu disais par exemple que les personnes, là, par la respiration finalement, que tu peux amener quelqu'un, tu respires, puis tu vas être dans une disposition, tu vas être différent, tu vas être plus évolué par exemple. Ça, c'est une façon. Tu vas atteindre la conscientisation. L'évolution, bon. L'humain est pas mal rendu au maximum d'évolution la conscientisation. Dans le contexte nord-planétaire. La conscientisation. Puis l'autre façon aussi, c'était en envoyant de ce que tu es, de la conscience que tu es, de ce que tu accomplis dans l'intelligence. Oui, mais c'est pas ça. Parce que comme je te dis, ça fonctionne. Non, mais c'est des. T'envoies des grains de sable dans le désert. Il y a plus de sable dans le désert. Tu prends un petit grain de sel, tu mets dans l'océan. C'est plus salé. Non, oui, mais sinon, je revise. Non, c'est vrai. Je revise les mécaniques qui existent. Mais ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a d'autres choses qui se font? Pour faire quoi? Pour implanter la conscience de l'intelligence. C'est lui-même peut se dire, avant d'implanter une planète heureuse, pensons à faire un métro heureux. Une ville heureuse. Bon. La conscience, il faut bien comprendre, ça fait partie du refus des spiritualistes de l'ère nouvelle. Les spiritualités de l'ère nouvelle contiennent probablement 95% de choses qui sont applicables et réelles. Le gros problème, c'est que c'est enveloppé de tradition. Puis l'enveloppe de tradition empêche l'intelligence et la conscience de s'épanouir là-dedans. C'est de la sagesse. Alors, ce qui est dans les consciences, dans la majorité des philosophies de l'ère nouvelle, c'est correct. Puis dans la majorité des cas, de l'utopisation. Par exemple, l'enfant ne se punit plus. Dans l'ère nouvelle, l'enfant ne punit plus. C'est parfait. Si l'enfant n'a plus besoin d'être puni, puis dans l'utopisation, si tu vas fouiller dans l'an 3000 ou quelque chose comme ça, bien l'enfant est intelligent à la naissance, tu le punis pas. Et parce que l'humain goûte à des choses de l'avenir, là il essaie de prendre son monde actuel puis de le transformer pour créer ce qu'il a goûté. Et là ça fait qu'on a un enfant qui devient un tyran. L'humain devrait être libéré. En réalité, libre. Pas libéré, libre. Nuance. Et libre pourrait vouloir dire désinhibé. Hein? L'être humain qui se conscientise ne devrait plus avoir peur de montrer son corps nu devant n'importe qui. L'humain qui se conscientise ne devrait plus avoir peur d'avoir un bouton là ou d'oublier quelque chose ou de péter dans une toilette publique si c'est quelqu'un qui est en train de la rester. Hein? L'humain, franchement, la vie c'est autre chose que de se retenir. Bon. C'est qu'à un moment donné, l'humain écoute à la désinhibition, à la pureté, puis il essaie d'appliquer tout de suite. Et ça va créer la libération sexuelle jusqu'au chef de qui. Ça va créer un paquet de choses du genre où tu te forces même pour péter. Bon. Là, on commence avec une société qui semble être bizarrement consciente, intelligente, spirituelle, de l'animal, tout mélangé. Vous ramenez l'humain encore à la désillusion. Les stratégies de l'ère nouvelle, les philosophies de l'ère nouvelle sont dans leur ensemble convenables. Dans les philosophies de l'ère nouvelle, c'est correct. Si l'humain développe la conscience par le descendre de l'intelligence, autrement dit, s'il se centre dans son intelligence pour devenir son seul maître, bien nécessairement, on va s'approcher de l'ère nouvelle. Mais pas de l'ère nouvelle qui est presque contente de cristalliser dans l'avenir. Pas l'ère nouvelle de ceux qui l'annoncent. Ça ne sera jamais comme l'humain va penser, parce que la pensée provient de la mémoire, puis l'ère nouvelle ne sera pas comme l'ère ancienne, donc tout ce qu'on va penser va pas là-dedans. Ça ne sert à rien de penser en termes de saveur, oui. Les musulmans, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent vivre en paix. Ils sont moins convaincus que pour avoir la paix, il faut que tout le monde soit musulman. Mais qu'est-ce qu'ils veulent vivre en paix? Est-ce que le musulman cherche les problèmes? Non. Mais c'est ça, mais tout le monde... Pas moi, Jéhovah, non plus. C'est ça, mais finalement... Non, pas de la mafia, non plus. Mais tout le monde veut la même chose. Exact. Puis il se bat pour l'avoir. À cause de la forme. À cause de toute la forme spirituelle qu'on place autour. À cause du fait qu'on établit qu'on a la vérité. Est-ce que tout le monde veut vraiment la paix ou tout le monde veut vouloir la paix? Non, non. Ils veulent tous vraiment la paix, puis dans leur structure de démarche, ils font comme tu dis, ils veulent vouloir la paix. Parce que vivre ou supporter la paix, c'est peut-être pas évident. Celui qui est habitué, le guerrier, ou celui qui est toujours... Oui, ça, c'est le processus de l'écrasement des lions. Ça, c'est le processus culpabilisateur qui est le karma relatif que les gens s'imposent, 90% de leur karma. Mais c'est un peu la même chose. T'arrives à la paix, t'arrives à être correct, mais là, faut absolument que tu s'en parles. Qu'est-ce qu'on fait, là? Alors là, tu veux rendre l'autre en paix, puis rendre l'autre en paix, puis n'aide un autre, là, tu vis des problèmes, puis t'as le karma collectif des autres. Oui, mais c'est quasiment inévitable de penser ça. De vouloir convertir autrui pour finalement toi et chez vous être correct. Parce que lui, de toute façon, il va venir écraser ta maison. Fait que là, tu sais que de toute façon, il pense la même chose que toi. Non. En partant. Fait que tu... Mais ça, c'est ce que tout le monde te dit. C'est sûr qu'en mentalisant, il a raison. Mais c'est ce que les gens croient sur la planète. C'est pourquoi ils vont peut-être tous s'approcher dessus à coup de statue à un moment donné. Ce qu'on doit comprendre, c'est que toi, tu dois être bien avec toi. Il y a tellement de choses que l'humain ignore de ce que c'est que là. On n'est pas des cellules, on n'est pas des corps de chair, on n'est pas de l'atome, on est bien d'autres choses que ça. Il y a tellement de choses que l'humain ignore ce que c'est. En penses-tu ou non? Bah, mais c'est ça, là. Qu'est-ce qu'on est, finalement? Qu'est-ce qu'on ignore? Qui c'est qu'on ignore? Bon, la conscience qu'on se fait de ce qu'on est, ou l'idée qu'on se fait de la conscience qu'on a, ou la conscience qu'on a de la conscience qu'on a, c'est finalement, c'est qu'on... Ça peut être beaucoup plus que ça. Moi, j'ai déjà eu l'idée qu'en fait, il y avait une peur d'être uni à quelque chose de beaucoup uni. Fusionner à quelque chose où je me perdrais, mais en fait, c'est que comme j'ai ma conscience maintenant, c'est que j'ai l'idée que je suis complet, mais en fait, que je suis un petit morceau. Mais ça, c'est du médiocre. Non, mais il y a un moment donné, un morceau, t'es dit morceau. T'as un dieu en puissance. Un morceau, c'est un comme morceau. Une graine, c'est une pomme en puissance. Mais mange la pomme, ça va être ça. C'est ça que je veux dire. Un dieu en puissance, c'est un petit morceau d'un tout, c'est l'étincelle d'un grand brasier. Non, c'est pas dans ce sens-là. Mais tu disais qu'on n'était pas un ego, on n'est pas un esprit, on est quoi? Il n'y a pas de mot planétaire encore pour l'expliquer. Vous n'êtes pas de la lumière, c'est bien venu de la lumière, parce que vous n'êtes même pas régi à la limitation des 300 000 km à la seconde en déplacement, qui est la limite de la lumière dans le continuum actuel. L'humain est quelque chose de phénoménal, surtout ce qui va arriver à un moment donné. Prenons juste un exemple pour expliquer un peu ce que c'est que l'humain. Lui là, vous, n'importe qui ici, vous commencez à vous conscientiser, vous commencez à être vous-même, donc vous n'êtes pas en paix, parce que la paix c'est l'inverse de la guerre, vous êtes au-delà de ça. Vous n'êtes pas heureux, l'heureux c'est l'inverse du malheur, vous êtes au-delà de ça, vous êtes. Pas ici et maintenant, c'est trop long à dire, vous êtes. Pourquoi, pas qui, pas quand? Là, ce qui va arriver, c'est que si des êtres plus refroidis décident d'envahir ton territoire, ils viennent tout dévaster. C'est là que ça ne t'arrange pas. Alors, la stratégie logique de l'être humain actuel, ça va être de déconnecter des sphères plus hautes pour redevenir un animal de façon à être un guerrier pour aller défendre son territoire. Quand il aura restauré la paix, là, on va revenir à vouloir ramener l'intelligence, l'esthétisme et la paix chez nous. Tu vois l'absurdité? Ça veut dire qu'on laisse aux forces d'évolution la possibilité de n'importe quand de venir briser ton jardin pour t'empêcher d'avancer. Mais est-ce possible d'être quand tout le monde te frappe? C'est ce que les chrétiens ont dit. Si on te frappe une joue, t'as l'autre joue. Oui, tu peux. C'est pas, j'en doute, moi. Je sais que tu... Chance qu'il me dit, je l'aurais pas remarqué. Mais si on est plus que de la lumière, pourquoi on se laisse faire ça? Pourquoi on laisse, pourquoi, si on est plus que la lumière, pourquoi on laisse l'astral interférer dans nos mouvements? Si. On devrait pouvoir la contrôler, l'astral, non, l'éliminer, l'anéantir ou passer à travers. Ou... Pourquoi vouloir contrôler? Il n'y a pas de vouloir, on devrait pouvoir. Mais il y aura du contrôle romain, pas? On l'éliminerait, on en, elle ne nous toucherait pas. Elle ne nous toucherait pas. Ça ne te touchera pas. Mais ça, l'humain qui fonctionne avec l'idée de toujours contrôler, régir, gérer, puis ça marche jamais, cette affaire. Lui, c'est totalement conscient, ou n'importe qui ici, ben, si les machins chouettes, ils viennent piller dans votre territoire, viennent envahir votre pays, ils trouveront jamais votre maison. Mais ce qui arrive, c'est que... Toi, quand tu vas sortir, tu trouveras jamais tes ennemis. Puis là, on se veut beau. Mais les 50 personnes qui étaient à Hiroshima, les 38 qui étaient à Nagasaki, là, qui sont encore là aujourd'hui, ils pourraient savoir ce que je veux dire là. À la star qui sort de l'église, là, t'as un cheval, t'as des intérêts dans elle, puis les bâtisses s'effondrent, t'as tout pour rentrer à l'église, il n'y a plus d'église, elle était au cœur d'Hiroshima, puis la bombe venait de se péter. À Nagasaki, c'est passé la même chose. Il y a des personnes en Europe qui ont été conquis par l'Allemagne, ils ont entendu de peine parler de la guerre, ils ont jamais vu de la guerre. Ils étaient en France. La France est occupée. Mais ces personnes-là... Occupées au moins, à part de temps. Il n'y a pas eu de problème. L'être humain qui se conscientise... Elle était occupée une fois, depuis c'est un qu'elle parle. Mais est-ce que la façon dont elle était vivante, la sœur qui est sortie de l'église, elle n'avait pas choisi d'être consciente, elle n'avait pas choisi d'être supramentale ou d'être... Elle n'a surtout pas choisi de contrôler. Elle n'a rien choisi. Elle n'a rien choisi. Mais qui l'a choisi? Qui a choisi qu'elle ne vivrait pas ça? Elle a pratiqué, elle a ramassé suffisamment de vibrations au niveau de l'église, donc dans la coupole où elle était, pour ramasser suffisamment d'énergie, pour augmenter son taux vibratoire d'une façon tellement haute que les énergies, premièrement de choc, de l'explosion nucléaire, le souffle, la chaleur, ben, la lumière et la radiation n'ont pas pu la toucher. Que d'autres personnes qui étaient dans une phase vibratoire particulière, en ramassant les affaires à terre, etc., qui ont été exclus du problème de l'explosion nucléaire. Ce qu'on doit comprendre, souvent les gens me disent, si je deviens transparent, je ne peux plus mentir. Ben, tout le monde va profiter de moi. Si tu es transparent et pas intelligent, savoir si je ne suis pas transparent. Mais si tu es transparent et intelligent, moi, j'ai un plan pour faire quelque chose que l'homme en politique. Lui, c'est le gars qui est dans une autre partie. Là, il me dit, dis-moi ton plan. Je peux pas y mentir. Et si je suis intelligent, je vais dire, non, je te dis pas mon plan. C'est pas un mensonge. Je suis transparent. Autant que je vais dire à mes enfants, à ma femme, je vais dire à son mari ou à ses amis, je te le dis pas. Pourquoi? Parce que tu comprendras pas. Ah, elle va choquer, là. Mais non, non, je suis transparent. Parce que là, tu as l'intelligence pour régir des choses. L'être humain qui est transparent, puis il y a souvent des personnes, à un moment donné, en séminaire, qui me demandaient, oui, mais une fille, par exemple, elle me demande ça, mais si je deviens rayonnant, moi-même, lumineuse, belle, habitante, ce que tu voudras, là, mais simplement parce que je deviens moi, tous les gars vont concourir, après. Non. Il y a un gars qui va s'approcher de toi, puis il va avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puis il va te mettre à distance, et il va être inhibé. Tu ne pourras pas venir te salir. Tu ne peux pas contrôler le gars à te créer une atmosphère de protection autour de toi, de ces choses-là. Là, tu continues toujours à vivre dans un système prédatorial. Je me protège par ci, par là, par le pencher, par là. Mais dans le système prédatorial, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, c'est efficace, mais tu mets trop d'énergie là. À un moment donné, là, accepte de sacrifier 3-4 morceaux de ta chemise, puis va te brancher où tu devrais être branché, puis ta maison, il n'y a personne qui va t'aider. Une des grandes illusions, est-ce que c'est de penser pouvoir changer les autres, finalement? Penser changer les autres, penser changer le monde, même penser se changer. Soyez, on doit être ce que nous sommes. Mais ça, c'est déterminé par différents principes. C'est évident que tu es... Premièrement, quand l'humain commence à être intelligent, il doit remonter un peu le fil de sa réincarnation. Allez fouiller, avant. Quand l'humain est intelligent, à un moment donné, il devra aller fouiller dans ce que j'appelle le futur possible qu'on a établi pour enlever sa mort. Puis l'humain doit échapper. Et dans ce que j'appelle le futur possible qu'on a établi pour